Mélancolie, migraine, vent de folie. La graine pousse vers les flammes sous un temps de grêle cousse. Veulent tous une vie jolie. Tous, tous, mène moi de même. Pas de cache-cache dans mon colis. M'a fait couscous et madeleine dans les halls. Street Monopoly. J'ai les anges, Marie-Jeanne et la haine qui m'épaule. Je traverse mauvaises ondes, les ongles sur mes paumes. Un conseil mène, vise vers la sens fouillant, vers l'anti-crevaison. Car vice versa, les nerfs à vif, on procède à l'avertissement. La mer à boire, dure à boire comme un divertissement. Je marche au radar en plein soir, même sourd aveugle, on n'est pas dans les choux mais dans la chourave. Les chouans c'est les chouaras, impossible les mythos. Les métaux poussent des cris de guerre, tu vois que ça t'intriguère. Conscience criblée, prisonnier de fond de folie. Mes amis rôdent comme des animaux autour de l'argent sale et visent les émeraudes. C'est ce que je constate, qu'on sneak, qu'on se tape, qu'on se clash. Pour de fond, parce qu'on se mate, prisonnier devant une folie. Mes amis rôdent près d'argent sale pour viser les émeraudes. Je le constate, qu'on craque, qu'on se crame, qu'on se tape, qu'on se clash. Pour de fond, parce qu'on se mate. Prise de tête pour des broutilles, mais t'inquiète, les frères se débrouillent avec les moyens du bord. Mais plein de déprime, d'espoir, perdent leur esprit combatif. Puis espèrent quand même s'en sortir de cette vie de chien remplie d'hypocrisie, d'astreinte et de jugement débile. Rentre nos vies tendues, alors que pour nous, un bain de sang s'annonce. Eux s'immergent et se divisent pour mieux régner. Mec, c'est la merde, et on le sent plus profond de nous-mêmes. Et ça effraie les pères et mères qui ont tout fait pour qu'on s'en sorte. Mon frère, faut qu'on se réveille. Prisonnier devant une folie. Mes amis rôdent comme des animaux autour de l'argent sale et visent les émeraudes. C'est ce que je constate, qu'on sneak, qu'on se tape, qu'on se clash. Pour de fond, parce qu'on se mate. Prisonnier devant une folie. Mes amis rôdent près d'argent sale pour viser les émeraudes. Je le constate, qu'on craque, qu'on se crame, qu'on se tape, qu'on se clash. Pour de fond, parce qu'on se mate. Être là où je suis, comme beaucoup, je l'ai pas voulu. Mais bon, toutes les portes sont fermées pour moi. Comment veux-tu qu'on avance? Assez de stagner, je suis insatisfait. Ma haine s'intensifie. Mes potes et moi, ça fait un temps qu'on s'est fié à ça. On est à l'an 2000, à l'aube de l'apocalypse. Eh, hey, tu voulais que ça s'arrange? Les choses se précipitent. Dans ma lancée, rien de précis, putain. À l'évidence, je me suis rendu compte. Se ranger, c'est désuyer au système. Malgré ça, je compte pas être en orbite toute ma vie. De plus, gentillesse, profiter. Ce malgré fait que j'ai pas changé. Toujours le même depuis et jusqu'à. Seulement je vois que tous ces individus qui ne pensent qu'à leur intérêt. Dans l'intrigue, je m'interroge. Où va cette vie? Ces gens que je fréquente, qui sont-ils? Je me laisse errer dans le mistral. Au cœur de la dépression, quand s'affolent les vents. Faisant de juillet un mois de novembre. Prisonnier devant une folie. Mes amis rôdent comme des animaux autour de l'argent sale et visent les émeraudes. C'est ce que je constate, qu'on sneak, qu'on se tape, qu'on se clash. Pour de fond, parce qu'on se mate. Prisonnier devant une folie. Mes amis rôdent près d'argent sale pour viser les émeraudes. Je le constate, qu'on craque, qu'on se crame, qu'on se tape, qu'on se clash. Pour de fond, parce qu'on se mate. Le bois est braise, pris dans un vent de folie. Death, Sense, Sir Dustley, Souverain DSS, Lenny Brasco, Franck, à tes côtés c'est Al-Assad.